Rivière poussa la porte qui donnait sur la salle des secrétaires, et la disparition de Fabien le frappa, évidente, à des signes que Madame Fabien n'avait pas su voir. L'affiche du RB903, l'avion de Fabien, figurait déjà au tableau mural dans la colonne du matériel indisponible. Les secrétaires qui préparaient les papiers du courrier d'Europe, sachant qu'ils seraient retardés, travaillaient mal. Du terrain, on demandait par téléphone des instructions pour les équipes qui, maintenant, veillaient sans but. Les fonctions de vie étaient ralenties. La mort, la voilà, pensa Rivière. Son œuvre était semblable à un voilier en panne, sans vent, sur la mer.